des scientistes. Je préfère prévenir plutôt que guérir, là, des scientistes, je dis bien. Nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, les algues bleues, étaient capables de se couper en deux, en quatre. Ils se multipliaient à volonté. Ils étaient donc immortels, mais ils ne créaient rien de nouveau. Puis est arrivée la reproduction sexuée et ce miracle permanent de faire toujours du neuf. C'est vrai qu'il n'existe pas deux êtres identiques sur la Terre. Mais le prix à payer pour créer du neuf, c'est de disparaître. La sexualité serait donc directement reliée à la mort. D'après certains biologistes, l'apparition de la reproduction sexuée est un accident de parcours. C'est un raté de la nature. Une anormalité que l'on ne retrouverait pas ailleurs, d'après eux, si l'on considère la pluralité des mondes habités. Là, il semblerait que, d'après leur idée, la Terre serait quasiment une des seules planètes dans la galaxie qui aurait cette particularité de voir des êtres s'accoupler. Puisqu'ils ont calculé qu'il y avait très peu de chances pour qu'un tel accident se reproduise ailleurs, dans l'évolution. Donc nous serions, pour les civilisations extraterrestres qui nous regardent, des espèces de monstres sympathiques. Quelle angoisse! Alors comment se fait-il, si les extraterrestres nous observent, qu'on ne les entend pas rire aux éclats? C'est une question que je me suis toujours posée, ça. Pour certains ésotéristes, la reproduction sexuelle, c'est une expérience de laboratoire qui aurait été tentée par un commando d'Elohim, d'extraterrestres, et une expérience de laboratoire qui aurait mal tourné. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne les entend pas rire, justement, parce que dans le fond, ils sont peut-être comme nous, un petit peu des apprentis sorciers. Alors ça, c'est un peu le point de vue de la science et de la biologie. C'est un accident de parcours, cette sexualité. Ça n'existait pas au départ. Et ça n'aurait pas dû exister d'après eux. Mais on est là. On peut témoigner. Maintenant, du point de vue de la Genèse, par exemple, ce qui est intéressant à voir dans la Genèse, c'est que c'est un serpent qui a, tel un prince charmant, ou plutôt tel un prince charmeur, qui a séduit la femme. La femme qui ne répugne pas à se faire chanter la pomme, on le sait, c'est bien connu. Mais pourtant, c'est l'homme qui a croqué la pomme de la sexualité. Sur les conseils d'Ève, avec les conséquences et les sanctions que l'on connaît. C'est-à-dire, premièrement, tu enfanteras dans la douleur. Deuxièmement, tu devras obéissance à ton mari. Et troisièmement, et il te dominera. Ça, c'est ce qui est dans la Genèse. L'homme, quant à lui, n'a pas eu d'autres sanctions que celle de vivre avec sa femme. C'est déjà largement suffisant, je pense. Je vais me faire des amis ce soir. Alors, la question, ça soulève bien des questions, cette petite mise en scène, là. Mais au départ, on pourrait peut-être vous demander si, d'après vous, la séparation des sexes, c'est un accident génétique, ou est-ce que c'est une manipulation extraterrestre? Et est-ce que c'est effectivement, comme ils le prétendent, ça semble logique, que la sexualité est directement en rapport avec la mort? Peut-être pour commencer à dégager le terrain. Bon. Alors, si on veut aller... Si on veut retourner dans le passé et qu'on veut comprendre la sexualité, il faut qu'on ouvre un peu notre esprit dans ce sens que il faut que l'on comprenne un peu comment l'homme est venu sur la Terre. Et pour comprendre comment l'homme est venu sur la Terre, on ne peut pas se baser sur des théories classiques. On est obligé de se baser soit sur des théories ésotériques ou soit sur de l'information instantanée.

Mais quand je dis libéré, je ne dis pas libéré dans le sens que l'homme voudrait penser. L'homme aimerait vivre une sexualité libre. C'est pas ceci. Parce qu'une sexualité libre, c'est une plus grande prison que la sexualité libérée. Lorsque je parle de sexualité libérée, je veux dire cette sexualité, cette énergie vibrante sur ce plan-là, qui n'est plus responsable pour la domination de la nature humaine. À partir de ce moment-là, l'homme commencera à percevoir un peu plus sa conscience réelle, à refaire la connexion avec les parties subtiles de sa conscience, et éventuellement en arriver à un état de fusion suffisamment avancé pour que, éventuellement encore, cette énergie sexuelle passe d'un... à un autre, et pour qu'il puisse un jour, sur le plan éthérique, utiliser cette énergie, non pas en termes d'une sexualité, mais en termes d'un processus créatif qui lui donnera accès à la création dans d'autres mondes parallèles, à des êtres qui seront l'exercice naturel de cette énergie cosmique, mais à travers un centre qui ne sera plus animal, mais qui sera très près du centre mental de l'homme. Mais comment se fait-il qu'il y a tant de différences dans le concept même de la sexualité chez l'homme et chez la femme? On dirait que l'homme voit la sexualité avec des lunettes sexuelles et la femme avec des lunettes amoureuses, mais il ne voit pas la même chose. Lorsqu'on interroge un homme et une femme, il semble qu'il y a une dynamique amoureuse pour la femme et une dynamique sexuelle pour l'homme, mais seulement sexuelle. Autrement dit, le sexe, c'est l'affaire de l'homme. C'est pas l'affaire de la femme, elle vient à la sexualité s'il y a tout un climat qui est entretenu autour, une dimension amoureuse que l'homme en fait n'éprouve pas. Il est bien obligé de lui faire la cour pour arriver à troquer ou à échanger ses besoins. Mais il semble qu'il y a une différence incroyable là-dedans, puis qui serait peut-être à l'origine de toutes les séparations, des incompréhensions qui peuvent être vécues dans le couple. Comment se fait-il qu'il y a une telle différence? Lorsqu'on dit sexualité, on pense pas la même chose à un homme et une femme. Vous dites quelque chose, là, et vous ne réalisez pas ce que vous dites. Vous dites quelque chose, quand je dis que vous ne réalisez pas ce que vous dites, je veux dire que lorsque je l'aurai expliqué, vous aurez compris pourquoi la sexualité d'antan est différente de la sexualité de l'avenir. Vous dites que l'homme et la femme vivent une sexualité, ils ont une dynamique différente. Ouais. Et c'est très juste. L'homme de l'évolution vit une sexualité qui n'est pas régie par l'émotion. La femme de l'évolution vit une sexualité qui est régie par l'émotion, ce que vous appelez l'amour dans sa manifestation. Oui. Mais l'homme de l'évolution ne vivra pas de sexualité régie par l'émotion. Et savez-vous ce qui se passe lorsque l'homme passe de l'évolution à l'évolution et qu'il commence à prendre conscience de sa sexualité? Il s'aperçoit que sa sexualité change. La femme s'aperçoit que sa sexualité change. Autrement dit, la femme qui passe de l'évolution à l'évolution, surtout de la femme, parce que je parle de la femme parce que c'est elle qui vit la dynamique émotive, s'aperçoit que il n'existe plus dans la sexualité de la femme de l'évolution le même romantisme qui existait dans la sexualité de la femme de l'évolution. Et pour la femme de l'évolution, qui commence à entrer dans cette nouvelle période d'expression, pour elle, c'est une sorte de tristesse. Elle perd quelque chose. Elle semble perdre quelque chose. Et pour l'homme, c'est la même chose. L'homme de l'évolution, lorsqu'il vit sa sexualité, il ne vit plus ou il ne vivra plus sa sexualité en fonction des besoins de manifester sa sexualité à partir d'une sensualité. Moi, j'appelle ça programmer. L'homme programme, il programme. Vous appelez ça la cour. Oui. Bon. Oui, oui. Alors, pour l'homme conscient de l'évolution, faire la cour. C'est programmer la femme. Programmer la femme à ses besoins. Ceci ne sera plus nécessaire. Il n'aura plus la vibration. L'homme n'aura plus la vibration d'apporter une rose. Donc, l'homme de l'évolution nécessite d'une façon inévitable, et la femme de l'évolution, d'une façon inévitable, seront obligées de perdre quelque chose qui faisait partie du plaisir de la sexualité pendant l'évolution. Et ceci est une tristesse.